بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ceci dit, faisons Allah subhanahu wa ta'ala, louons Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant de notre vie. Et louons Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés avec ces rencontres. Et comme il dit, avec combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala, il nous comble. En effet, on ne peut pas comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant. Mais cela nous demande d'être reconnaissants et d'être remerciants à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait d'être reconnaissant et remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah augmente les bienfaits. Il est dit dans le verset « La in shakartum la azidannakum », ce qui veut dire dans la traduction approximative « si vous êtes remerciant, je vous augmente ». Le remerciement et la reconnaissance des bienfaits d'Allah s'accomplit par taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant les récompenses d'Allah, et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve, ou n'ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les domaines qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, ces assises, comme a dit notre noble cheikh, cheikh Abdallah al-Bukhari, dans l'introduction de l'interprétation qu'il a fait à Sharh Usul Sunna lil-Humaydi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il a dit, ces assises bénites, incha'Allah, sont une voie pour préserver l'étude de la science, pour préserver l'étude de la science bénéfique, et pour rappeler vers celle-ci, et pour montrer aux gens que c'est la seule et unique voie pour être sauvé, et pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par celui qui entreprend cette voie correctement, et qui prend la science de sa source, c'est-à-dire des deux révélations, le livre et la sunna, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Il a dit, hafidhahullah ta'ala, la demande de la science, ô frère, est une adoration légiférée qui doit être basée comme toute autre adoration sur les deux piliers de l'adoration, à savoir la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, hafidhahullah, arrivera à obtenir la science celui qui se dote du comportement de celle-ci et qui se débarrasse et qui évite les pièges de celle-ci. Les pièges comme le fait de ne pas mettre en pratique ce qu'il a appris. D'où l'importance de la science dans la noble et pure législation. C'est-à-dire que il découle de cette noble science des bonnes promesses dues aux demandeurs de la science, dues aux demandeurs de la science qui la mettent en application avec sincérité et dans le suivi du messager alayhi salam. Quant à ceux qui ne la mettent pas en application, ils sont avertis d'un énorme avertissement. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, c'est toujours, la citation est toujours de Cheikh Abdallah al-Bukhari, il ne citait parole de ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Fawa'id. Il a dit, Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, celui qui a été doté de cette ambition dans la demande, il a été guidé et il a gagné. Et comme a dit Sa'di, rahimahullah, dans Al-Mandoum al-Fiqhiyya, I'lam hudita, anna afdal al-minan, ilmun yuzilu shakka anka waddaran, wa yakshifu al-haqqa li dhil qulubi, wa yusilu al-abda ila al-matloubi. Et dans ces deux vers de poèmes, de sa poésie, Cheikh Abdallah nous dit, dans ces deux vers de poèmes, il y a ce qui dissipe, ce qui va dissiper, ce qui dissipe les ambiguïtés et les tentations du cœur, qui est tout simplement, qu'est-ce qui va les dissiper? La science bénéfique. Il dit, Hafidhahullah, il n'y a aucun doute que les ambiguïtés entraînent vers les doutes et les tentations entraîne la saleté du cœur qui mène vers la paresse du corps, dont l'accomplissement des obéissances et des actes qui repoussent, qui reprochent, qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la traduction approximative de ces deux vers, il y dit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te guide, que la meilleure des grâces, avec Allah subhanahu wa ta'ala te comble, c'est une science qui va te débarrasser du doute et qui va t'enlever les impuretés du cœur, c'est-à-dire des tentations, et qui va te faire apparaître la vérité, qui va faire apparaître au cœur la vérité, qui va amener le soumis vers ce qui est demandé, c'est-à-dire vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahmatullah, il dit, hafidhahullah, Cheikh Abdallah, Sa'di a montré que le signe de la science bénéfique chez l'être, c'est qu'il le débarrasse de ces deux mots, et de ces deux énormes pièges qui sont les tentations et les ambiguïtés. Et il dote le soumis de deux choses qui leur font face. La certitude qui est l'opposé du doute et la foi complète qui mène vers ce qui est demandé. Dans les faits, c'est les bonnes œuvres qui sont l'opposé des tentations. Et il dit, Habidallah, donc, plus la personne augmente sa science bénéfique, plus sa certitude augmente, ainsi que sa foi et sa volonté. Et avec ces deux choses, le soumis acquiert le bonheur et la réussite. قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. La traduction approximative du sens du verset, nous avions suscité parmi eux des leaders spirituels qui, conformément à nos commandements, appelèrent leurs fidèles à notre culte tant qu'ils firent preuve de constance et crurent fermement en nos signes. Cheikh l'Islam a dit dans le recueil du fatwa, le bien, le bonheur, le parfait, la réforme sont deux catégories de choses. La science bénéfique et les bonnes œuvres. En conclusion, dit Cheikh Abdallah, frère, l'effet de la science bénéfique, c'est la bonne œuvre et la bonne parole. Quant à l'effet de l'ignorance, c'est la mauvaise œuvre et la mauvaise parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il dit, Habidahullah, le doué de raison met toute son énergie et toutes ses forces à acquérir la science bénéfique et pourront profiter et être élevés par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles de Cheikh Abdallah al-Bukhari prises dans l'introduction, de l'interprétation qu'il a fait au sol sunnah du Humaydi, rahimahullah. Wa hafidhallah al-Sheikh Abdallah al-Bukhari, wa matta'ahu bis-sihha wal-afiyah, wa nafa'a bi-ilmihi, wa ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala shawkatan fi huluqi al-munharifin. فهنا الله سبحانه وتعالى 6 assises programmées sur les ondes de la radio de la mosquée Abu Darda au Sénégal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Cette élite de nos frères salafis qui sont là-bas au Sénégal, que ce soit à Dakar ou ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, les renforce et les raffermisse sur la voie qu'il aime et qu'il agrée. Donc, ces assises programmées sur les ondes de la radio de la mosquée Abu Darda au Sénégal concernent un sujet des plus importants, à savoir la aqida. Car la valeur d'une science dépend de l'intérêt de sa connaissance et du besoin qu'on en a. Et cela n'appartient qu'à la connaissance d'Allah et de ceux qui en découlent. L'étude de la aqida et du monothéisme, nous en avons besoin plus que l'air que nous respirons, et plus que l'eau que nous buvons, et plus que la nourriture que nous consommons. D'où l'intérêt et l'importance de ces assises autour de cette noble épître du grand savant Sa'di rahimahullah. Cette épître intitulée Manhajul Haqq, la voie de la vérité. Cette épître est une poésie composée de 65 vers. Il contient, malgré sa petite taille, des points et des méditations bénéfiques énormes. Et il a traité presque tous les fondements de la croyance des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Cette poésie a été écrite par l'imam Sa'di rahimahullah alors qu'il était encore jeune. Il a été écrite en 1333. On est en 1444. Alors qu'il est né, rahimahullah, en 1307. Donc il avait 26 ans quand il a écrit cet épître. Donc cet épître nous éclaire sur la grande et noble réalité concernant la croyance dont tout musulman a besoin. Et il a commencé, rahimahullah, cet épître en incitant celui qui espère à son bonheur et veut la félicité dans ce bas monde et dans le delà de bien méditer le contenu de cet épître. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, incha'Allah, durant ce séminaire avec certains de nos nobles frères de la prêche francophone. Qu'Allah nous raffermit tous sur cette noble voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous la science bénéfique et accompagnée de la bonne œuvre. Et il est important, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, avant l'étude de chaque livre ou chaque épître, de voir deux choses. Et c'est la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. La première qui concerne le livre ou l'épître qu'on va étudier. Et la deuxième qui concerne l'auteur de cet épître ou de ce livre. Durant cette assise, je vais me consacrer à l'auteur, ce grand imam de notre siècle, rahimahullah, qui est Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir ibn Hamad, affilié à Nawasir de Bani Amr, l'une des familles de Bani Tamim. Son grand-père est venu de Qaffar, proche de Ha'il. Il s'est installé à Nuiza. Et sa descendance est restée là. Donc, As-Sa'di rahimahullah est né à Nuiza, un arrondissement de Dhul Qasim, de la ville d'Dhul Qasim. Il est né le 12 Muharram de l'an 1307 de l'Hégire. Son père, le père de Sa'di rahimahullah, était imam et exhortateur de la mosquée Moussaoukif. Et Abdurrahman Sa'di a été attiré par la science depuis son bas âge. Il a dépassé ceux de sa génération à ce niveau et de ceux de son âge, hein, au niveau de la demande de la science et de les ambitions qu'il avait pour la science. Et il s'est occupé et il s'est penché sur les livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il leur a donné une grande importance, ainsi que d'autres livres dont Tawhid, Tafsir, le Hadith. Pour ça, si on veut, en quelque sorte, une porte qui nous facilite le plongeon dans les livres d'Ibn Taymiyyah, qu'on lise les écrits de Sa'di rahimahullah. Ça va nous donner, ça va nous permettre d'avoir une certaine clairvoyance, une certaine aisance à lire l'héritage d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc, il a donné, rahimahullah, une grande importance au livre d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, et ainsi que d'autres livres, que ce soit dans le Tawhid, dans le Tafsir, dans le Hadith. Il a pris la science de beaucoup d'hommes de science de son époque. Et parmi eux, l'Amin Shanqiti, rahimahullah. Et quand on sait que l'Amin Shanqiti, rahimahullah, fait partie du 6-5 duquel Albani a dit, 5 hommes de science, je n'ai pas vu des authentificateurs comme eux. Et fait partie d'eux, Amin Shanqiti, ainsi que Cheikh Taqi Dil Hilali, rahimahullah, et le Mubarak Fouri, Ibn Baz, rahmatullah ala al-jami'. Et parmi les élèves de Cheikh Saadi, rahimahullah, l'érudit, le grand savant, le jurisconsulte par excellence, le fondamentaliste par excellence, Mohamed ibn Salih al-Utaymi, rahmatullah alayhi, et d'autres, comme le savant Cheikh Abdullah al-Bassam, rahmatullah alayhi. Ah, Cheikh rahimahullah, Cheikh Saadi a vécu orphelin. Son père est mort alors qu'il n'avait que 7 ans. Et sa mère est morte alors qu'il n'avait que 4 ans. C'est la femme de son père qu'il a pris sous sa tutelle et qu'il l'a aimé plus que ses enfants. Son grand frère Hamed s'est occupé de son éducation. Saadi a grandi de façon vertueuse. Cheikh Saadi, rahimahullah, a vécu la vie du savant véridique et sincère. Il ne donnait aucune importance à ce bas monde. Il était un exemple dans Zuhd et dans le Wara. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Des hauts postes lui ont été proposés dans l'État et il les a refusés. Et même le salaire de l'imam de la grande mosquée de Unayza, quand il le touchait, il le distribuait aux pauvres et dans les voies du bien. Rahmatullah alayh. Il était modeste et humble dans sa tenue vestimentaire. Il ne s'imposait pas des choses dont il n'avait pas besoin, malgré qu'il le pouvait, rahmatullah alayh. Cheikh a vécu une vie de zuhd et d'adoration. Il était détaché de tout ce qui pouvait le couper de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui pouvait le couper ou être un obstacle entre lui et l'adoration d'Allah. La définition de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala chez Sa'di rahimahullah est vaste. Il englobe toutes les voies du bien. Avec les efforts qu'il prodiguait, rahimahullah, pour les adorations corporelles, comme la prière, comme le jeûne, le pèlerinage, il faisait beaucoup d'efforts. Il prodiguait beaucoup d'efforts pour ses actes d'adoration. Un de ses chouyours disait de lui que depuis son bas âge, il était le pôle d'admiration des gens. Il préservait les 5 prières en commun. Il accomplissait beaucoup de pèlerinages. Il jeûnait les jours de pleine lune et d'autres jours du mois. Son fils Mohammed disait que son père tenait à accomplir les prières nocturnes en résidence et en voyage. Et certaines années, l'eau était gelée à Nouïza, il faisait quand même l'eau d'eau avec, rahimahullah ta'ala. Tous ceux qui ont écrit la biographie de Saadi, ils relatent la noblesse de son comportement, rahmatullah alayh. La vie de l'imam Saadi, rahimahullah, était remplie de nobles actes. Il a couru vers toutes les voies du bien, à tout moment, et dans tous les domaines, rahmatullah alayh. Il a pris sur lui d'accomplir les droits d'Allah et les droits de ses créatures de la meilleure des façons. Et il a prodigué beaucoup d'efforts dans les projets de bienfaisance, dont les bienfaits revenaient à la société et aux individus. Il réconciliait tous ceux qui ont des problèmes entre eux de façon à ce que les deux parties agréent et acceptent son jugement. Et par la bénédiction de sa bonté et de sa sincérité, les personnes qui avaient des problèmes fraternisés comme s'il n'y a eu rien entre eux. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Parmi ses œuvres de bienfaisance, il était l'homme à tous. Il était l'exhortateur, l'imam, le khatib, l'enseignant, sorte de notaire pour officialiser les actes de mariage, etc. Il était le mufti de la ville. Tout ça, il l'accomplit sans prendre aucun salaire, rahimahullah. Il a créé, rahimahullah, la bibliothèque de Unayza. Et il a réuni l'argent des bienfaisants et il a acheté des livres de partout. Les livres concernant tous les domaines de la science. Il était superviseur scientifique de l'Institut scientifique de Unayza quand il a été créé en 1373. Et il s'occupait beaucoup des pauvres et il secourait les nécessiteux, rahimahullah. Les gens avaient une grande confiance en lui, ils lui ramenaient leur zakat, leur charité, et lui s'occupait à la distribuer. Et pendant la saison des moissons, on lui ramenait les fruits des palmeraies. Les palmeraies que les gens ont dit, bah, cette partie de mon champ, elle est pour la mosquée, c'est-à-dire ses fruits, et c'est tout ce qu'il va, il va générer comme fruits, et comme rentre, doit être pour la mosquée. Et donc, quand on lui a ramené ce waqf, Saadi ne prenait aucune date de tout ça. Il distribuait tout aux pauvres. Il donnait aux nécessiteux et aux pauvres de son propre argent. Et il a fait un salaire à certains de ses étudiants pour qu'ils les libèrent pour la science. Son fils raconte que durant le mois de Ramadan, les riches ramenaient leur charité et leur zakat à Cheikh Saadi rahimahullah. Et lui, il l'a distribué aux pauvres. Il dit, je me rappelle alors que j'étais petit, mon père me donnait une caisse d'argent, me disait, va, emmène-la à tel, et dis-lui, c'est l'argent que mon père t'avait pris. Je croyais que c'était vrai, mais c'était un double sens. Et quand j'ai grandi, j'ai compris. J'ai su que ces gens-là, que ces nécessiteux-là, à ce moment-là, étaient de grandes familles dans le pays. Et mon père ne voulait pas les gêner. Regardez ce comportement. Comme ils étaient des grands notables ou des grands riches, ils sont tombés dans la pauvreté quand il leur envoie la zakat et la charité. Regardez, il dit à son fils, va leur donner et dis-leur, c'est l'argent que mon père t'avait pris. Rahimallahu Saadi. Nous avons beaucoup de leçons à retenir de nos savants. Après une maladie, il est mort, rahimahullah, à la fin de Jumada 1376 de l'Hégire. À la fin de son cours habituel et après la prière du Isha, il s'est évanoui. Il a été transporté à la maison où il a pris connaissance et il a dit des bonnes paroles. Et il s'est évanoui une deuxième fois. Un avion a été envoyé de Riyad par l'État, dans lequel il y avait des médecins, mais le temps était tel que l'avion n'a pas pu atterrir à Unayza. Et il est mort, rahimahullah, à l'aube du jeudi 23 Jumada de l'an 1376 de l'Hégire. Rahmatullah alayh. Et frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, beaucoup de gens meurent et tombent dans les oubliettes. Car ils n'ont rien laissé derrière eux. Quant aux savants, leur vie ne s'arrête pas avec leur mort. Pour les œuvres qu'ils ont accomplies, la science qu'ils ont propagée, les élèves à qui ils ont enseigné, c'est une nouvelle vie et un butin duquel ils vont avoir beaucoup de récompenses. قال عز وجل إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Dans la traduction approximative du sens de ce verset, il est dit c'est nous qui allons ressusciter les morts dont nous avons consigné les œuvres et les traces laissées par eux sur terre. Dans le hadith rapporté par Muslim, Le messager a dit, lorsque meurt le fils d'Adam, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois d'entre elles. Une aumône courante, c'est-à-dire qui profite toujours aux gens, comme un fourrage, des puits, une bibliothèque qu'il met au service des étudiants, une mosquée, une école coranique et ainsi de suite. Donc une aumône courante qui profite toujours aux gens, un savoir utile aux gens. Il y a les gains à savoir à la communauté. Il y a un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Certains savants ont laissé toutes ses œuvres derrière eux. Et là, un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. J'ai entendu tout à l'heure des paroles de Cheikh Al-Fawzan, Hamdallah, il a dit qu'une fois, Cheikh Ibn Ibrahim, Mohamed Ibn Ibrahim, est venu faire une conférence aux élèves de la faculté de législation à Riyad. Et parmi les paroles qu'il a dit, il a dit que, concernant ce hadith, l'enfant vertueux meurt. Mais il a dit, mais la science que l'homme de science laisse derrière lui, celle-là, il ne meurt pas. Il va toujours rapporter de la science, donc que les gens en profitent, la mettent en application, le compteur des hasanats de cette science restera. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, certains savants ont laissé toutes ces œuvres derrière eux. Sa'di rahimahullah, dans le recueil de ses khutab, a dit clarifiant ce noble bienfait, ce mérite. Il dit rahimahullah, les savants meurent et reste leur héritage. Ils meurent et leurs nouvelles ne s'arrêtent pas. Leurs corps ont disparu, mais leurs qualités, leurs actes, leurs mérites existent toujours dans les cœurs des gens. D'autres sont morts et leur manuscrit de Hassanat a été plié sans qu'il y ait quelque chose qui s'y rajoute ou qui diminue. Les savants, tant qu'on profite de leur science et de leur héritage, leur degré augmente ainsi que leur récompense. Fin des citations de cette khutba de Cheikh Sa'di rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute que l'imam Sa'di rahimahullah fait partie du satellite dont l'histoire perpétue leur évocation, leur biographie, leur héritage au niveau de la da'wa et au niveau de la science. L'héritage du Sa'di est énorme au niveau de la da'wa, au niveau de la science, au niveau des élèves qu'il a formés. Ils sont nombreux, ainsi que ses écrits dans tous les domaines de la science. Rahimahullah. Sa'di, rahimahullah, a laissé à la communauté un héritage très riche. Un héritage très riche. En effet, il a enrichi la bibliothèque islamique. De par ses différents écrits dans tous les domaines, dans le hadith, l'aqida, tafsir, usul al-fiqh, al-fiqh, l'exhortation, les répliques, les khutab, les fatawa, la langue arabe. Ces écrits sont édités et propagés dans le monde entier. Certains sont traduits dans différentes langues. Et il y a un recueil de presque plus de 30 volumes dans lequel certains jazakumullahu khairan ont recueilli tout ce qu'a écrit l'imam Sa'di rahimahullah dans tous les domaines rahimahullah. Et ces écrits sont édités et propagés dans le monde entier. Certains sont traduits dans différentes langues. Et contrairement à ses contemporains, Sa'di rahimahullah écrivait beaucoup. Et parmi ses écrits, je vais citer quelques-uns. L'adilla al-qawati' wal-barahin fi ibtali usul al-mulhidin. Les preuves irréfutables pour l'anéantissement des fondements des athées. C'est risala, oui pas seulement, dans laquelle Sa'di a répliqué aux athées qui nient l'existence d'Allah. Il s'est occupé dans cette risala à anéantir un très mauvais fondement qu'avait instauré Aristote. Et notre risala s'appelle Intisar al-Haq, le triomphe de la vérité. Cette risala est une forme de débat religieux et social entre deux amis musulmans. Un d'eux s'est absenté une longue période et lors de leur retrouvaille, celui qui était absent a beaucoup changé. Il a été influencé par la da'wa des athées. Après ce débat, il a été convaincu et il est revenu à la voie de la vérité. Il a aussi son livre « Bahjat Qulub al-Abrar » wa Qurrat Uyun al-Akhyar » fi Sharh Jawami'i al-Akhbar. C'est-à-dire, c'est un recueil d'un volume moyen dans lequel Sa'd rahimahullah a compilé et expliqué 99 hadiths concernant différents sujets. C'est كذلك التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الاعراب. Il a, c'est une petite risala où il a interprété cette poésie, où il a expliqué cette poésie concernant les règles de l'i'rab, c'est-à-dire concernant la langue arabe. Il y a aussi la petite risala, petite dans la forme, grande dans le contenu, qui est intitulée Tawdih wal Bayan li Shajarat al-Iman. L'éclaircissement de l'arbre de la foi. Une petite risala qui traite de tous les aspects de la foi et qui nous montre que Sa'd rahimahullah était sur la voie des gens de la sunna en ce qui concerne l'iman et en ce qui concerne l'aqida. كذلك التنبيهات اللطيفة في ما احتوت عليه الواسطية من المباحث. Aussi, une risala où Cheikh a commenté de façon concise l'aqida al-wasitiya d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il est très bénéfique, cette risala, malgré qu'il est petite. Rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. كذلك تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. Aussi là, il s'agit d'une réplique qu'il a fait à Abdullah al-Qasimi. Abdullah al-Qasimi était un grand défenseur de la salafia et du monothéisme à un moment donné. Il a répliqué à Rawafid, il a répliqué aux adorateurs du pont. Mais cet homme a apostasie. Et après, il a commencé à écrire des livres contre la législation musulmane. Et là, cette risala écrite par Cheikh Sa'd rahimahullah, il réplique à cet homme. Cet homme qui est mort au Caire en 1997, qui s'appelle Abdullah al-Qasimi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous raffermisse dans la religion. Regardez cet homme, Abdullah al-Qasimi, avait de la science. Malgré tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tourne les cœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné toujours dire « Ya muqallib al-qulub » Fabbit qalbi ala danik. Oh, toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Aussi parmi ses écrits, l'interprétation du Coran, Taysir al-Kalim al-Rahman, fi tafsir al-Kalam al-Mannan. C'est une interprétation complète du Coran. Et d'autres livres, que ce soit dans Usul al-Fiqh, ou dans le Fiqh, ou dans les répliques, ou au niveau de de la aqida, il y a tous les niveaux, rahmatullah alayh. Tout le monde sait, que la lecture des biographies des vertueux et des hommes de science est d'un grand intérêt pour nous autres musulmans. Au niveau social, au niveau scientifique, au niveau de la da'wa, c'est aussi un motif qui nous pousse et qui doit nous pousser à les prendre comme modèle. Leur vie est un baromètre pour se rendre à l'évidence que malgré ce qu'on a fait, ou malgré ce qu'on a pu faire, ou malgré ce qu'on est en train de faire, on est devancé dans le bien. Et on est devancé de très loin. Ainsi cela, on se pense en sûr. La biographie de ces hommes de science et sur le pieux prédécesseur, et la vie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, nous évitera d'être imbus de nous-mêmes. Et nous poussera à œuvrer plus dans le bien. Et fait partie aussi de ces petits épîtres très intéressants. L'Ouassa'il Moufida l'Hayat Sa'ida. Les moyens bénéfiques pour une vie heureuse. Où Sa'di Rahimahullah a traité les moyens du bonheur et ses voies. Et comment arriver à l'apaisement du cœur et dissiper les soucis et la tristesse. Son fils Mohammed Rahimahullah nous cite la cause de cet écrit. Il disait, rahmatullah alayh, quand mon père était à l'hôpital au Liban, à un moment donné, il a été parce que, il souffrait, rahmatullah alayh, d'une maladie, et donc il est parti au Liban pour se guérir. Et il dit, rahmatullah alayh, quand mon père était à l'hôpital au Liban, j'ai vu dans une librairie un livre qui porte ce titre. Délaisse l'anxiété et commence la vie. D'un écrivain américain. Et donc ce livre était traduit en arabe. Ce livre m'a plu. Mohammed dit, ce livre m'a plu. Je l'ai acheté et je l'ai offert à mon père, qui l'a lu en entier. Il a été séduit par le livre et par son auteur, en disant, c'est un homme équitable. Et mon père a écrit juste après Al-Wasa'il Mufida, qui traite du même sujet, mais c'est une risala dont le but est d'atteindre le bonheur, l'apaisement par les voies légiférées. Rahmatullahi alayh. Notre noble imam, Sa'di rahimahullah, notre noble imam Sa'di rahimahullah a consacré sa vie à la da'wa vers la aqida salafi. Il a été bénéfique aux gens du Qasim et aux musulmans en général. Il y a beaucoup de livres qui ont écrit et qui ont relaté la biographie de ce grand homme et les efforts de Sa'di dans da'wa, la aqida. Il y a eu même des thèses de magistère et autres qui ont été écrites à ce niveau. Ce noble cheikh avait des positions contre les innovateurs. Et parmi ces nouvelles paroles, dans l'interprétation de Sourate al-Fatiha, il dit bien, en parlant de Sourate al-Fatiha, bien qu'il contient une réplique à tous les partisans des hérésies et de l'égarement, et ceci à travers le verset Guide-nous sur la voie droite. Il dit car cette voie est celle de la connaissance, de la vérité et de la conformité à ce qu'il énonce. Or, tout hérétique ou égaré est en divergence avec cette vérité. Regardez dans le Fatiha cette réplique qu'il fait à tous les innovateurs et les égarés. Médite cette noble position aussi concernant le Murji'a. Dans son livre Mujmu' al-Fawa'id, il a dit, rahimahullah, la religion englobe le fait d'accomplir les 6 fondements de la foi et les 5 piliers de l'islam. Dire que là, c'est la aqida des gens de la sunna, croyance avec le cœur, des prononciations avec la langue et des actes avec les membres du corps. Il dit, rahimahullah, la religion englobe le fait d'accomplir les 6 fondements de la foi et les 5 piliers de l'islam, ainsi que les réalités de l'ihsan, la bienfaisance, qui sont des actes du cœur, dont la base l'ihsan. C'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc il découle de cela que les croyants sont 3 catégories, dit rahimahullah. Regardez, dans ces paroles, il y a la réplique al-Murji'a, qui mettent de côté, qui sortent de la foi, de la signification de la foi des actes. Regardez ce qui. Donc il dit, rahmatullah alayh, découle de cela que les croyants sont 3 catégories. Ceux qui accourent vers le bien, ce sont ceux qui ont accompli des choses intérieures et en apparence, en accomplissant les obligations et leurs surrogatoires. Sabiqoun, al-muqarraboun. Et il dit la deuxième catégorie, les économes, ceux qui se sont limités aux obligations et ont délaissé les interdits. Et il dit la troisième catégorie des croyants, les injustes avec eux-mêmes qui ont mélangé entre les bonnes œuvres et les mauvaises. Il dit, rahimahullah, le résultat de tout ça, c'est que la foi augmente en augmentant les bonnes œuvres et diminue avec la diminution des bonnes œuvres. Et cela veut dire que dans les soumis à Allah, il y a le bien et le mal. Et il y a chez le soumis les causes du châtiment et les causes de la récompense. Et il y a chez le soumis aussi des caractéristiques de mécréance et d'hypocrisie et des caractéristiques de foi et de croyance. Il dit, rahimahullah, le résultat de tout cela, c'est qu'il mérite le complément et le blâme, la récompense et le châtiment, selon ce qu'il aura accompli de choses dont les faits, c'est soit le châtiment ou la récompense, le complément ou la critique et le blâme. Et ça, c'est le summum de la perfection et de la justice de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin des citations de ces paroles dans Majmou' al-Fawa'id rahimahullah. Et voici pour terminer cette assise, comment certains savants ont élogé Sa'di rahimahullah. Vous savez, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, que les vertus soumises qui préservent les droits d'Allah sont les témoins auprès d'Allah. Ce sont les témoins sur terre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils élogent une personne, cela prouve le bien, la véracité de cette personne. Al-Bukhari rahimahullah rapporte le hadith de Anas ibn Malik, où il est dit que les compagnons étaient avec le messager alayhi salam. Ils sont passés auprès d'une janaza. Ils ont dit du bien du défunt. Le messager, on les entendant dire du bien de lui, il a dit, il l'aura. Et après, ils sont passés à côté d'une autre janaza. Ils ont dit du mal du défunt. Le messager a dit, il l'aura. Omar, radiyallahu anhu arda, a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il l'aura, ô messager d'Allah? Le messager d'Allah a dit, le premier, vous l'avez élogé, il a le paradis. Le deuxième, vous l'avez critiqué, il a l'enfer. Vous êtes les témoins auprès d'Allah sur terre. C'est pour cela que les vertueux et les hommes de science ont élogé Sa'di rahimahullah. Et ils l'ont qualifié de véridique, de sincère, de vertueux. Nous espérons que ces compléments et que cette attestation soit une preuve comme quoi Sa'di est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, ainsi qu'à tous les autres hommes de science. Parmi les hommes de science de la sunna et les défenseurs de la voie salafie, parmi les savants qui l'ont élogé, l'érudit, le savanticisme, l'imam de notre siècle, Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, dans le livre Safahat min Hayat Allamat al-Qasim, des pages de la vie du savanticisme d'Al-Qasim, c'est-à-dire Abdurrahman Sa'di, Ibn Baz, il dit, Sa'di s'occupait beaucoup du fiqh et donnait une grande importance au fait de connaître le prépondérant dans les sujets de la divergence, avec preuve. Il parlait peu, sauf pour des choses qui ont des effets bénéfiques. J'étais en sa compagnie plus d'une fois à la Mecque et à Riyad. Ses paroles étaient minimes, sauf ce qui concerne les sujets de la science. Il était modeste, humble. Il était doté d'un noble comportement. Et celui qui les s'y livre reconnaîtra ses mérites, sa science et comment il s'occupait des preuves. Qu'Allah le couvre de son immense miséricorde, Fin de citation des paroles de Ibn Baz, rahmatullah alayh. Abdelrazzaq Afifi, qui est un Égyptien, rahmatullah alayh, un grand homme de science, qui était le second de Cheikh Ibn Baz dans Dar Ifta. Abdelrazzaq Afifi a dit, celui qui lit et suit les écrits de Sa'di et qui l'accompagne lors de sa vie, reconnaîtra comment s'additionner à être au service de la science, en lisant, en enseignant, et il verra son noble comportement et sa droiture dans toutes les situations, et il verra comment il était équitable vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses étudiants, envers lui-même, et comment il cherchait le bien de toute situation qui entraîne vers le mal ou vers la divergence blâmable. Qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde. Fin de citation des paroles de Cheikh Abdelrazzaq Afif, rahmatullahi alayhi. Son élève, l'éminence, Mohamed bin Salih al-Taymi, rahmatullahi alayhi, a dit de son cheikh, rare de trouver quelqu'un comme Saadi à son époque, que ce soit dans son adoration ou dans son comportement. Il agit avec le grand, le petit et le petit selon ce qui leur convient et selon ce qui convient à leur situation. Il cherchait à savoir la situation des pauvres et des nécessiteux pour leur emmener lui-même ce qui va combler leurs besoins. Il était endurant et patient devant le mal qu'il subissait de la part des gens. Il aimait pardonner celui qui lui fait subir du mal et interpréter son acte de sorte qu'il soit excusable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre tous les deux de sa sainte miséricorde. C'était là quelques données de la vie de l'érudit, quelques de la vie de ce grand homme de science qui est l'imam Saadi rahimahullah, qui fait partie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi des gens qui cherchent les bons modèles et qui cherchent à imiter les meilleurs de la communauté. Et à nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir tous sur la voie de nos pieux prédécesseurs, Ardouanullah alayhim. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu ilaykum wa jazakumullahu khayran.